de vieux billets chéris qui me rappellent les nuits à bord du Normandie si belle. La lampe qui repose, ces petites choses me parlent de vous, me parlent de vous. Ces doux refrains d'amour qui tout le monde chante, le vent du soir là-bas qui se lamente, et votre porte close. Ces petites choses me parlent de vous, chérie. Pourquoi m'avoir quitté? Pourquoi m'avoir quitté après ce que nous avons jeté? De toi et moi écrit à notre image, ouvert ce soir à la dernière. Partout où mes yeux se posent, des petites choses me parlent de vous. De vieux billets chéris qui me rappellent les nuits à bord du Normandie si belle. La lampe qui repose, petites choses me parlent de vous. Ces doux et vrais d'amour qui tout le monde chante, le vent du soir là-bas qui fait la mante, et votre propre gloire. Ces petites choses me parlent de vous. M'avoir quitté, pourquoi m'avoir quitté après ce que nous avons été? Et toi et moi, écrit à notre image, ouvert ce soir à la dernière page, partout mes yeux se posent des petites choses. Me parlent de vous.